Écoutez. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je suis bien sur la route de Grenoble? Ah non, par là vous allez vers Gap. Il faut faire demi-tour. Et où est la route de Grenoble? Dans 2 kilomètres environ, vous trouverez un croisement. Vous prenez la route de droite en direction de Cor. C'est indiqué. Donc, c'est la première à droite? Non. Vous devez aller jusqu'au croisement où il y a 4 directions d'indiquées. Là, vous prenez la route de droite indiquée Cor. Et ensuite? À Cor, vous allez toujours tout droit jusqu'à ce que vous arriviez sur la nationale. Et pour Grenoble, c'est à droite ou à gauche? À gauche. Merci bien. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je suis bien sur la route de Grenoble? Et où est la route de Grenoble? Donc, c'est la première à droite. Et ensuite? Et pour Grenoble, c'est à droite ou à gauche? Merci bien.